Vous écoutez donc Futur Simple sur CKRL au 89.1 et c'est avec un grand plaisir que je retrouve Jean-René Roy, astrophysicien, professeur associé à l'Université Laval et chroniqueur à Futur Simple pour une troisième année consécutive. Merci beaucoup Jean-René d'être de retour pour nous donner des nouvelles de l'univers. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi Valérie. Alors aujourd'hui vous avez choisi de nous parler des astéroïdes. Il faut dire que plusieurs missions, plusieurs sondes visitent ces astéroïdes. Qu'on pense à la mission Dawn autour de Cérès, à Rosetta autour de la comète Churyumov-Gerasimenko. Et d'ailleurs, on peut se demander pourquoi aller explorer ces petits astres alors qu'on en sait, qu'on est loin de tout connaître sur les planètes, les grosses planètes et puis tous leurs satellites. Donc pourquoi aller explorer ces petits astres? D'abord, on a exploré les gros objets depuis les débuts, il y a 40 ans. Il y avait ces deux sondes voyageurs qui sont parties vers les planètes externes, qu'on a bien explorées, qu'on continue à explorer, et ça suivait d'autres missions. Mm-hmm. Et ce qui s'est développé, et en partie à partir d'observations faites au sol, c'est la découverte d'une abondance de plus petits objets qu'on connaissait déjà, mais dans des familles beaucoup plus diverses. La réalisation que des objets comme Pluton, qu'on avait appelé planète et qui a été un peu, qui a perdu un peu de grade en étant classifié comme planète mineure, petite planète, qui en a des dizaines et probablement des centaines d'objets. Et que ces objets, les plus petits, tenaient peut-être des clés sur l'origine de notre système solaire, plus fidèles, plus proches que ce qu'on peut trouver dans les grosses planètes qui, par le processus de formation, ont transformé les matériaux à cause des hautes températures, des hautes pressions. Les petits objets, comme les comètes et comme les astéroïdes, en fait, sont plus proches des conditions primordiales. C'est comme si c'était des fossiles, des conditions d'origine par rapport aux planètes qui ont subi une évolution. Ouais, exactement. Et elle pose quand même beaucoup d'intrigues et nous donne à la fois aussi beaucoup de réponses, entre autres sur des grandes questions comme l'origine de l'eau dans le système solaire et encore sur Terre, qui reste un peu un mystère, mais les données qu'on a des météorites qui nous tombent dessus et maintenant des astéroïdes qu'on va explorer. Les météorites qui nous arrivent, les petits morceaux, souvent se sont détachés d'objets plus gros que sont les astéroïdes. Une classe d'objets qui fait à peu près entre quelques centaines de mètres de diamètre à quelques centaines de kilomètres, le plus gros étant Cérès. Mais il y en a beaucoup aussi quand même des astéroïdes, vous le dites. Bon, il y en a, puis il y en a entre, c'est ça, il y en a entre Jupiter, entre Mars et Jupiter, oui, il y en a tout au fin, aux confins de, du système solaire. Donc, comment on fait pour choisir celui qui recevra la visite d'une sonde? La première chose, c'est que d'aller aux objets les plus faciles. Et il y a une concentration d'astéroïdes dans ce qu'on appelle la ceinture principale d'astéroïdes entre l'orbite de Mars et de Jupiter. C'est déjà quand même pas mal loin. Mais il y a un certain nombre d'objets de la ceinture qui, par perturbation dynamique, surtout par Jupiter, se détachent et finalement sortent du trafic principal et viennent se trouver dans les parages des orbites de la Terre, de Mars et de Vénus. Et on les appelle les géocroiseurs parce que certains croisent l'orbite de la Terre et sont susceptibles d'entrer en collision avec nous. Donc, ces objets sont souvent sur des orbites relativement faciles d'un point de vue astronautique, demandent relativement peu d'énergie, sauf qu'il faut quand même des fusées assez puissantes pour y envoyer des sondes. Et deuxième chose, maintenant, on fait une approche avec une investigation plus précise en s'en approchant et même en s'y posant, parce qu'il est relativement facile. On n'a pas à freiner un objet comme pour entrer en orbite. On fait simplement frôler, faire quelques ajustements de trajectoire et on peut s'opposer sur l'objet ou entrer en orbite autour de ces petits objets relativement facilement, quoique les manœuvres soient complexes. Puis le fait qu'il n'y ait pas d'atmosphère aussi, ça doit aider, ça ne va pas brûler. Il y a un dégazage, mais on ne peut pas considérer qu'il y ait d'atmosphère équivalente. Donc ça doit aider aussi peut-être au fait que à ce que des sondes se posent aussi. Oui, sur, très facilement. Mmh. En fait, la complication qu'on a, comme on l'a vu avec l'atterrissage manqué, entre guillemets, de Philae sur Rosetta, le danger, c'est de rebondir si on n'a pas un moyen de s'y accrocher en touchant la surface. Ouais. Donc, il y a Rosetta, effectivement, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y a aussi les Japonais qui ont... Exact. Donc, la première mission, en fait, il y a trois missions dont on pourrait parler. La première qui a fait une excursion vers un astéroïde, c'est la sonde Hayabusa 1, qui veut dire Faucon. Un beau nom, je trouve, pour une sonde spatiale qui a quitté la Terre en 2003 et qui a atterri sur le petit astéroïde Itokawa, qui fait quelques centaines de mètres de diamètre, en 2005 pour en récupérer quelques fragments, à peu près 1500 petits grains. En fait, on cherchait à attraper quelques kilogrammes, mais le mécanisme n'a pas tout à fait fonctionné parce qu'il y a eu un effet de rebondissement mal contrôlé. Et la sonde, finalement, était sur une trajectoire et avec quelques manœuvres, on l'a remis sur une orbite qui a recroisé la Terre en 2010 et la capsule est entrée dans l'atmosphère, a atterri et a été récupérée en Australie en 2010. Mm-hmm. Et on en a fait l'analyse des échantillons. Donc, les Japonais ayant manqué partiellement leur coup et voulant réussir un peu mieux, ont lancé Hayabusa 2 en 2014, qui atteindra l'astéroïde Ryukyu, un autre astéroïde de la famille Géocroiseur, en 2018, pour revenir et rentrer dans l'atmosphère terrestre et être récupéré en 2020. Mm-hmm. Les Japonais ont ça. Et il y a une mission récente dont on a entendu parler parce que l'Agence spatiale canadienne est participante, qui est Osiris-Rex, qui aussi va vers un autre astéroïde de géocroiseur, d'accord. Absolument, qui est à peu près un peu la même dimension. Celui-ci s'appelle Bennu. Et là, la rencontre va être aussi la même année qu'Hayabusa avec l'autre astéroïde, 2018. Mais je comprends pas trop l'astronautique que la rentrée sur Terre se fera en 2023. Ah, plus tard, donc. Mais il y a un intérêt parce qu'on ne connaît pas trop la diversité de ces objets. Ben c'est ça, donc je me demandais aussi, bon, on les choisit parce qu'ils sont relativement faciles d'un point de vue astronautique à les visiter, mais est-ce qu'on les choisit aussi selon les connaissances qu'on a, peut-être leur composition différente ou... On choisit avec ces facteurs-là et parce qu'il y a différentes compositions, il y a des... On le sait par les météorites, il y a des objets astéroïdaux qui sont composés plus avec des roches qu'on connaît. Certains sont avec des composés carbonacés assez riches. D'autres météorites qui font l'intérêt de certaines personnes qui voudraient les exploiter pour construire des choses dans l'espace sont beaucoup plus riches en métaux lourds. Mm-hmm. Donc, cette diversité, donc on choisit ce genre de selon ces critères-là. Et jusqu'ici, on préfère les objets qu'on peut comprendre, qui ont des teneurs d'éléments carbonacés assez élevés dans Donc, carbonacé, ça veut dire qu'il y a des molécules organiques. Absolument, ouais. Donc, est-ce que c'est lié... Est-ce que c'est lié à une éventuelle recherche de molécules précurseurs de la vie? Ce qu'on voudrait voir, c'est parce que la Terre jeune, la Terre s'est formée à partir de ce type de matériaux, comme on dit probablement avec les fusions impliquées dans les processus de la formation de la jeune Terre, tout a été recomposé chimiquement, mais... suite à la formation de la Terre, pendant des centaines de millions d'années, on a été bombardé par le restant des morceaux qui n'ont pas formé les planètes. Et ces morceaux-là ont peut-être pu survivre en termes de nature des roches beaucoup mieux en rentrant dans l'atmosphère à une certaine vitesse et avoir finalement déposé sur Terre des éléments qui ont été possiblement les bases de la vie. Certains même disent que l'hypothèse que la vie nous est arrivée d'ailleurs carrément, une hypothèse plausible. Du moins des molécules qui conduisent Absolument, vers la vie, mais pas forcément la tout vie. Ce qui est en fait, c'est jusqu'à quel niveau prébiotique les milieux, les roches d'astéroïdes ont évolué, ont atteint. Donc là, ces deux, c'est drôle parce que ça fait un peu comme une compétition entre les Japonais et les Américains. J'imagine qu'ils vont se suivre un petit peu. Ah oui, ils vont s'observer. Mais en même temps, la mission Hayabusa, c'est une mission japonaise. 80-85%, ouais. Mais elle a des équipements qui sont d'autres labos, ah, même oui. américains. Mm-hmm. Et souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Okay. Un pays, le leadership et les autres, les équipes d'autres pays forment un consortium scientifique. C'est ça. D'accord, ouais. D'accord. Donc là, dans les deux cas, leur mission, ils vont aller se déposer. Mais est-ce oui. que c'est la sonde, est-ce que c'est comme dans le cas de Rosetta et Philae, c'est-à-dire que donc c'est donc Hayabusa va aller en orbite autour de je sais plus quel astéroïde et là va envoyer un robot? Non. On envoie tout l'équipement. Okay. D'ailleurs, c'est des centaines de kilos, donc ce sont de, mm-hmm. de gros satellites et qui vont en fait parce que ces astéroïdes, comme je le mentionnais, donc quelques centaines de kilomètres de diamètre, leur forme est plutôt mm-hmm. comme une arachide souvent. Et tandis que la comète Churyumov-Gerasimenko, c'est un objet de quelques kilomètres de diamètre. Ah oui. Donc, les masses des astéroïdes géocroiseurs qu'on va visiter sont beaucoup plus faibles, l'attraction mm-hmm. gravitationnelle plus faible, ce qui est encore le risque de rebondir ah oui. est énorme. Mm-hmm. Mais ce qui fait qu'on peut approcher avec le vaisseau sans dépenser pratiquement d'accord. de l'énergie de vaisseau mm-hmm. principal. Et de celui-là, cependant, va se détacher un élément, une capsule, mm-hmm. qui, elle, va faire sa trajectoire pour recroiser l'orbite terrestre mm-hmm. et nous revenir. Mm-hmm. Mais il va falloir attendre, en tout cas, pour connaître l'issue de ces missions, donc Hayabusa et Osiris-Rex. Mais en attendant, on peut suivre la mission Dawn autour de Cérès. Ah oui, c'est intéressant. Et d'ailleurs, il y a eu une belle série d'articles publiés ben oui. dans Science il y a quelques semaines. Mm-hmm. Et en fait, une des choses intéressantes maintenant qui est confirmée par toutes ces observations, c'est que il y a quelques décennies, quand j'étais étudiant en astronomie, on disait que les comètes étaient des objets composés essentiellement de glace. Ouais. Des glaces d'eau, des glaces de méthane, ouais. des glaces de toutes sortes de l'azote congelé. Et que les astéroïdes étaient des objets composés de solides et mm-hmm. tout. Et tout ce qu'on découvre maintenant, avec surtout une mission spatiale appuyée par des observations à partir du sol, c'est que les comètes sont quand même des glaces, mais assez riches en matériaux rocheux. Mm-hmm. Et les astéroïdes, ce sont des objets rocheux et relativement riches en matériaux en matériaux de glace. Mm-hmm. Et en particulier, les dernières observations menées autour de Cérès révèlent en fait non seulement par la géomorphologie ou la sérologie, je ne sais pas trop comment mm-hmm. l'appeler, il faudra demander aux géographes de trouver un nom. Et il y a une formation qui indique qu'on a affaire à un corps qui a possiblement de liquide, probablement de l'eau. L'eau est le liquide le plus abondant, qui peut être sous forme de glace ou sous forme d'hydrate. Et je pense que de dire qu'il y a de l'eau sur Cérès, il faut faire attention. Ce qu'on trouve, ce sont plutôt des composés rocheux avec de l'eau okay. dedans qu'on appelle des hydrates, ouais. qui sont fort abondants. Mais on découvre que Cérès, qui est le plus gros des astéroïdes, 950 km de diamètre, 940, donc la Lune fait à peu près 2000 km de diamètre. Pour donc vous là, donner on est beaucoup échelle. Plus gros que les géocroiseurs dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Ouais. Donc, sa structure est un peu curieuse. En fait, c'est un peu... l'intérieur est plutôt malléable, plutôt, entre guillemets, plastique, mm-hmm. et la surface est assez dure. C'est un peu comme une orange. L'intérieur est mou. L'extérieur est un peu dur. Ouais. Et il y a tout ce jeu, en fait, maintenant, qu'on commence à comprendre de structure de ces petits corps qui viennent justement de la présence de quand même pas mal d'eau dans ces corps-là. D'où, moi, mon hypothèse privilégiée est que l'eau qui nous est arrivée sur Terre provient en grande probabilité d'un mm-hmm. bombardement ultérieur à la formation de la Terre d'astéroïdes mm-hmm. comme Cérès, probablement des plus petits, parce que Cérès qui nous rentrerait dedans ferait des sacrés dommages. Mm-hmm. Donc, parce que là, vous parlez donc de cette présence d'eau, parce qu'on a vu donc des images d'une montagne de glace, d'un cryovolcan, comme certains l'appellent. Je me souviens plus du nom, là, je pense que je l'ai pris à Ona Mons, une montagne extraordinaire, parce que je la regarde, ça me rappelle tellement le Mauna Kea volcanique. D'ailleurs, c'est la 4 km de haut, 17 km. 4 km pour un petit astéroïde de 900 km. Il est fait essentiellement, c'est ça qui est embêtant, il est fait surtout apparemment de glace. Donc, mm-hmm. il serait d'origine qu'on appelle de cryovolcanisme. Donc, c'est des eaux qui montent. parce qu'il fait froid, il fait moins 200 degrés sur Cérès, les eaux qui montent et font ces espèces de structures qu'on retrouve d'ailleurs dans l'Arctique canadien et en Alaska, qu'on appelle des pingos. Ouais. Et sur Terre, ils sont beaucoup plus petits, ils font quelques 100 mètres de hauteur. On les retrouve, ce genre de formation, on les retrouve en très grand nombre sur Pluton. Les images qui ont été acquises par New Horizons sont absolument fantastiques et nous révèlent ce genre de but formé essentiellement de glace dû à un mécanisme qu'on appelle le cryovolcanisme. Mm-hmm. Mais pour ça, quand même, est-ce que ça n'implique pas qu'il y ait des variations de température à l'intérieur? Oui, absolument. Donc, qu'est-ce qui explique? Parce que là, il n'y a pas de radioactivité à l'intérieur de Cérès. Il y en a sûrement un peu, et c'est la même question qu'on se pose pour les intérieurs de Pluton, et qui est plus gros quand même, et de Charon, le satellite principal de Pluton, qui monte ces espèces d'activités. Donc, ce sont des cas où il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et donc, dans le cas de Pluton et Charon, on pourrait imaginer des forces de marée qui font des torsions, qui vont garder à l'intérieur. Mais peut-être que, finalement, il y a suffisamment de radioactivité. Et pression étant élevée, il peut avoir, par composition chimique, des processus qui vont créer des espèces de pulsions liquides, solides, vapeurs liquides, des choses comme ça qui vont être responsables d'une certaine activité intérieure. Mais est-ce que ça veut dire, parce qu'en même temps, s'il y a une éruption d'un cône de glace, il va y avoir, il n'y a pas juste la glace, il y a peut-être aussi sous forme liquide ou gazeuse? Ce sera gazeuse. D'abord, de l'eau liquide, à cause de la pression faible, l'eau va avoir tendance à se sublimer directement. Est-ce que ça, mais s'il y en a beaucoup, quand même, à cause de température, et on va faire ce petit volcan, entre guillemets, de glace. Un peu comme on voit certaines fois au printemps, quand il y a des fissures dans une glace, l'eau sort et ça fait une bosse. Moi, je me souviens des bonnes vieilles patinoires traditionnelles. C'était toujours un peu un casse-tête au printemps d'avoir nos petits pingos qui apparaissaient à la surface de la glace. Ça fondait par en dessous et ça ressortait et ça gelait pendant la nuit. Mais ce que je me disais, c'est qu'à ce moment-là, est-ce que Cérès va se vider de l'intérieur? Non. De toute façon, c'est un peu... Il y a une certaine tectonique. Là. Les choses montent et les choses s'enfoncent. Donc, la gravité est toujours en activité. Sauf qu'on n'aura on ne semble pas voir sur Cérès des phénomènes de tectonique des plaques, les choses qui se promènent à la surface comme des grands radeaux. La Terre est assez unique à ce point de vue-là. D'accord. Donc, peut-être que Dawn va continuer ses observations. Là, il y a une série d'articles qui est sortie, mais j'imagine que les observations continuent. Et j'encourage beaucoup les auditeurs à aller voir le site fait dans votre furteur, fait Dawn, D-A-W-N, pour Aurore, Cérès. Et il y a le site du Jet Propulsion Laboratory qui est là. Il y a des images absolument fantastiques. Il y a des vidéos à couper le souffle. Et il y a une information scientifique qui est quand même... qui peut vous venir, enfin, simplement en regardant les images, en vous posant certaines questions. Donc, c'est une mission à suivre. Et puis, il y a des missions qui se finissent aussi. Donc, il y a Bussa, je ne sais plus son nom déjà, qui commence. Il y a Dawn qui est en cours. Puis, il y a celles qui se finissent, comme Rosetta et Philae. Puis, on a pu voir une image. Là, on a retrouvé Philae. Ah oui, finalement. d'ailleurs, je m'y attendais, moi. Sauf que je voyais la fin venir. Le 2 septembre, finalement, on a retrouvé notre petit robot Philae sur le côté, dans une crevasse, dans l'obscurité. L'image, elle est... D'une netteté, c'est incroyable. Incroyable, mais on avait cartographié, photographié tellement en détail pour toutes sortes de raisons, parce qu'on voulait le faire indépendamment d'avoir à retrouver. Mais on voulait comprendre que ce qui s'était passé, que Philae était tombé sur la comète et il n'était pas redisparu dans l'espace parce qu'on pouvait se poser la question. Là. Donc, il avait rebondi trois fois, mais il est allé se cacher dans une crevasse. Donc, il a fonctionné, on en avait parlé ici, pendant une soixantaine d'heures, c'était la durée de ses batteries. Après ça, il fallait qu'il reçoive la lumière du soleil pour recharger ses batteries. Mais ça ne s'est pas passé à cause de l'obscurité, sauf un moment où il a fait un blip pour dire « je suis là », mais rien de plus. Est-ce qu'on a des données qui sont perdues, finalement? Non, les données qui ont été acquises ont été gardées. Probablement, un certain nombre de données sont perdues parce qu'elles n'ont pas été transmises. Mais suffisamment pour avoir établi beaucoup de propriétés, la composition chimique, un paquet de choses à la surface de Philae. Mais là, la suite vient et c'est la fin, comme vous l'avez laissé entendre. Rosetta, qui est c'était le vaisseau mère, ouais. Lancé en 2003 ou quelque chose, ça fait longtemps. Donc, depuis 2014, il était en orbite, toutes sortes d'orbites. Et lentement, on ajuste son orbite, il descend, il se rapproche. Mmh. Et le 30 septembre, il va s'opposer. Oui, parce que ça a été décidé cet été, justement, non? La fin de Rosetta? Oui, en fait, pourquoi? Parce que Rosetta est autour de la comète et la comète est venue à son point le plus proche du Soleil. Mm-hmm. C'était, je me souviens plus quand, au mois d'août de l'année passée. Mm-hmm. Et donc, beaucoup d'énergie pour les... Parce que Rosetta est au panneau solaire, n'est pas avec des piles de plutonium comme on a pour des sondes qui vont dans les confins du système solaire. Donc là, la comète, ça se déplace vite. C'est une orbite très elliptique qui va l'emmener au-delà de Jupiter. Et la comète est déjà très loin maintenant. Et le Rosetta reçoit beaucoup moins de lumière solaire, donc n'arrive plus à charger ses piles alimenter les instruments. Donc, pour finir, on va dire... avant la congélation ultime, on va faire descendre Rosetta en douceur et éviter le rebondissement qu'on avait vu avec Philae et poser Rosetta à la surface. Et c'est, encore une fois, vous pouvez aller voir avec votre furteur, faites Rosetta ESA pour European Space Agency, et vous allez avoir tous les détails de ce qui va se passer le 30 septembre. Le 30 septembre. Je ne sais pas quel jour de la semaine, mais c'est bientôt. Donc là, est-ce que c'est aussi pour ça qu'on avait cartographié comme il faut la comète pour faire atterrir Rosetta au bon endroit? Oui, pour savoir où Rosetta va arriver et comprendre, être mieux en mesure de mettre en contexte toutes les données qu'ils vont prendre les gaz qui sortent, etc. On a choisi d'ailleurs des endroits où la comète émet, fait ses pulsions, ses bouffées de gaz, d'eau, etc. Et donc, on a choisi un endroit où on ne serait pas allé au début de la mission. Ah oui? Parce qu'on l'aurait jugé trop... on le trouvait qu'il n'était pas intéressant ou trop dangereux? Non, ça serait dangereux, littéralement. Ah oui, c'est que c'est comme vous décidez à la fin d'aller vous-même plonger dans un geyser. Ouais. Donc là, Rosetta va se poser délicatement sur Rosetta. Donc, va prendre encore tout plein d'informations. Oui, mais va perdre probablement son orientation ou la possibilité de s'orienter pour avoir des panneaux dirigés vers le soleil. Donc, elle va, entre guillemets, s'éteindre assez rapidement à cause de manque d'énergie. Mais elle va prendre encore quelques données qu'elle va envoyer qui vont être mises en contexte avec la cartographie précédente. Exactement. D'accord. Donc là, je ne connais pas des détails. Mm-hmm. En fait, il doit y avoir des détails révélés de jour en jour de comment tout cela va se passer. Et est-ce que la façon dont on a retrouvé Philae, on voulait le retrouver apparemment, est-ce que ça va donner des indices pour savoir ce qui s'est passé quand il a rebondi? Probablement pas à ma connaissance, parce que les meilleures données pour comprendre, peut-être, ce sera justement cet atterrissage en douceur de Rosetta qu'on essaie de faire. Philae, vous savez, la sonde arrivait assez brusquement et l'idée, c'était de tirer des pieux qui allaient s'ancrer. Ouais. En fait, c'est harponné. Ouais, on avait trois harpons qui devaient harponner la surface. Et pour une raison ou une autre, on ne sait pas trop, le harponnage n'a pas fonctionné ou la surface était, où il est arrivé tellement dur que le harpon pas fonctionné, a agi un peu comme quelque chose qui rebondit. Donc, il y a peut-être, maintenant, j'ai pas suivi les détails, il y a peut-être une interprétation plus complète que celle que je vous donne à l'heure actuelle. En disant, il est arrivé là, ça résulte de tel mouvement auparavant, et c'est pour ça que c'est... Mais là, on le voit, la photo, il est littéralement sur le camp, là, Philae, mais il est là pour longtemps, des missions... futurs, aller les retrouver, peut-être les ramener. D'accord. Bien, en tout cas, c'est toujours intéressant de vous écouter, de nous rapporter des nouvelles du cosmos. Donc, vous allez revenir, on va faire comme l'année dernière à peu près, vous allez revenir une fois par mois environ? Bon, essayons une visite d'une autre planète, Voilà, donc quels sont les sujets en ce moment qui pourraient vous enflammer de nous raconter? En fait, il y a quand même plusieurs sujets. J'aimerais faire le point. Comme l'année passée, j'avais un peu insisté sur des thèmes qui touchaient un peu à l'astronomie de tous les jours, ce qu'on voit dans le ciel avec nos yeux ou avec une paire de jumelles. Donc, on va peut-être faire un bond, aller sur des sujets un peu plus qu'on peut palper nous-mêmes non, en tant que... ouais, qui vont peut-être plus difficilement palpables. Ah, d'accord. Okay, donc, on va faire le contraire un d'accord. peu, là, parler de matière noire, d'énergie noire, des grands thèmes de recherche à l'heure actuelle. Et le format qu'on a ici, de pouvoir parler quand même plus que 3 ou 4 minutes, là, c'est ben, avantageux. C'est-à-dire qu'expliquer la matière sombre en 3 minutes, c'est un sérieux défi. Ça s'explique, mais je pense pas que l'auditeur va comprendre. On va vous donner plus longtemps que ça. Alors donc, on se donne rendez-vous Et à la prochaine. Ça fut un plaisir, Valérie. Ben, merci beaucoup, Jean-René. Donc, Jean-René, astrophysicien, professeur associé à l'Université Laval. Et maintenant, ben, nous, on va revenir sur Terre en pause publicitaire sur CKRL au 89.1. Mais restez avec nous parce qu'en deuxième partie, on vous parle du déficit nature et du site Cartier-Roberval.